C'est pour mes frères et sœurs, ceux qui sont fiers avancent malgré la douleur. On persévère, on cherche tous le bonheur. Certains crèchent couverts, mais faut voir l'endroit. Certains se baladent avec des billets verts, mais faut voir pourquoi. Crois-moi, mon temps c'est mieux, c'est pour toi, c'est bien vrai. Tu sauras que les années te ressembleront à un procès. Tout le monde est là pour te juger, on attend d'un faux pas pour te montrer du doigt. Tous ceux que j'ai reconnus ressemblent terriblement à ceux que je ne salue plus. Le temps nous éloigne, les remords m'épargnent, la rancœur me gagne. Que madame qui m'accompagne avec ses putains de gendarmes qui m'arrêtent quand je passe la douane. J'ai un air suspect, ce qui paraît, ça est sur ma teuté d'après 16 ans. Culé. Dans la foulée, je m'en sors indemne. Aucune empreinte sur la scène, ne songe qu'à la prochaine. J'ai de la chance d'après ma mère, y aura de la vengeance d'après mon frère. J'avance dans un cul-de-sac avec l'impression que mon passé me traque. Plus je m'éloigne, plus je me rattrape. J'avance sur une route sans fin, je prends des décisions sans en être certain. Certaines d'entre elles me coûteraient les mains. Mon passé, je l'ai laissé de côté. Tournons la page pour tout recommencer. Chapitre 1, aura là un groupe réformé. De mômes que les idées ont rapproché. Une complicité installée, un climat de sérénité qui n'a pas changé. En comparance à la terre qui s'est déjà bien réchauffée avec le temps. On apprend à se connaître, à faire la différence, à prendre des chemins un peu plus corrects. À assumer les gaffes qu'on a pu commettre, à prendre la bave. Je me console, consomme et décolle sur une comète. Atterrissage forcé, passage truqué. Bienvenue dans mon quartier. Une petite visite guidée, quitte par la file, tu risquerais de te faire dépouiller. Oumla. De 008, le couplet est bâclé. J'avance dans un cul-de-sac avec l'impression que mon passé me traque. Puis je m'éloigne, puis me rattrape. J'avance dans une route sans fin. Je prends des décisions sans en être certain. Certaines d'entre elles me coûteraient les mains. On a tous nos peines, on fuit au plus profond, certains le cachent, moi je l'écris, je pose sur chanson. Je ne pense pas qu'au cash, pas dans les médias. Mais je sais qu'il m'en faudra pour être au top du dernier produit média. Offrir le top à ma go, qu'elle arrête de commander ses habits chez Vedia. Que ceux qui ont cru qu'on allait pas loin m'ont vu me lever tous les matins pour aller à la Svipa, école d'attarder qu'ils me disaient. Mais j'entends un frigo plein, en tout cas au début du mois. J'ai l'habitude, j'étais élevé avec cette certitude que le travail de mes mains rapporte autant que les études. C'est pour ça que je comptabilise plus d'heures passées sur le bitume que derrière ma plume. J'avance dans un cul-de-sac avec l'impression que mon passé me traque. Plus je m'éloigne, plus je me rattrape. J'avance sur une route sans fin. Je prends des décisions sans en être certain. Certaines d'entre elles me coûteraient les mains. J'avance dans un cul-de-sac avec l'impression que mon passé me traque. Puis je m'éloigne, puis me rattrape. J'avance dans une route sans fin. Je prends des décisions sans en être certain. Certaines d'entre elles me coûteraient les mains.